L'horoscope m'a appris, il m'a bien averti. Bientôt la grosse bourriche, je vais devenir riche. Fini le RMI, à moi les grandes sorties. Le mec dont aux oignons, et c'est pas du bidon. J'ai foncé voir Marcel, café dans la dentelle. Mon ancien poissonnier, le maquereau, il connaît. Il s'est vite blancousé dans la loterie de quartier. Après 10 ans de prison, il en a dans le citron. Et gratte, regratte, il n'y a rien sur le Morbac. Et frotte, frotte, frotte, le papier à chiottes. Pas ma main remboursable, ça commence à me gonfler. Je viens de perdre 10 balles, moi j'en ai plein l'arrêt. Ce Marcel il me veloute, son oui-oui c'est que dalle. Vite avant la banqueroute, je prends ma martingale. Et gratte, gratte, gratte, je suis le roi du tac-tac. Et frotte, frotte, frotte, j'ai filé voir Adja, qui est devenu le bédouin du casino du coin, grâce au cours FPA. Dernière fois qu'on s'est vu, à Terre-Neuve en été, tu lui parles de morue, pas de problème, il connaît. Et tire, tire, tire, cette putain de manette. Et tire, tire, tire, trois pelés par un copain. Bien plumé, je suis parti de son box en bidon. Et je retrouve Marcel, sa paix super flanelle. Au cartouche, j'ai joué, j'ai tiré le carré. Bien sûr, j'ai tout paumé, j'en avais 5 d'emblée. Et plume, plume, plume, là je commence à douter. Et plume, plume, plume, c'est pas ce que vous pensez. Là j'ai téléphoné à ce canard de zone qui me prend pour un taré, un coyote à foie jaune. Paraît que c'est leur machine qui a pété une bielle. Je m'engage dans la marine, plus sûr pour ma gamelle. Et gratte, gratte, gratte, là où il faut bien la gratter. Et frotte, frotte, frotte, là je suis bien recyclé.